La dernière nuit d'André Chénier, par Hippolyte Lucas. Monsieur André, monsieur André. C'étaient les deux mots qu'on entendait le plus fréquemment dans le préau, au réfectoire, nouvellement bâti, dans les longs corridors de la prison de Saint-Lazare, pendant le mois de Thermidor de 1794, et ces mots sortaient de la bouche aimable et naïve d'une jeune personne de 19 ans, Mademoiselle Aimée de Coigny, que la Révolution avait jetée dans ce sombre lieu, et qui avait rencontré André Chénier pour y célébrer sa jeunesse et sa beauté. À tout instant, elle avait quelque chose à demander au poète, dont elle se plaisait à répéter le nom, et qui lui enseignait les règles de la versification française. Aimée de Coigny, fille du général Franquetot de Coigny, ancien chevalier d'honneur de Madame Élisabeth, avait reçu une éducation extrêmement soignée. Elle était versée, comme son père lui-même, dans les lettres françaises et même dans les lettres latines. Aussi, lorsque par suite de l'émigration de plusieurs membres de sa famille, elle subit un emprisonnement qui atteignait tant de personnes, injustement soupçonnées, fut-elle heureuse de se trouver en compagnie d'André Chénier, l'amant des muses grecques, véritable Athénien de Paris. Ils se comprirent bien vite, et leurs causeries, sans cesse renouvelées, donnèrent naissance à l'hôte devenu célèbre, la jeune captive, où le poète s'est complu à peindre dans une succession de belles images la confiance d'une jeune âme qui n'a pas accompli sa destinée sur terre et qui se refuse à croire que la mort puisse l'atteindre avant le temps. « Je ne veux pas mourir encore », ce cri, poussé par une jeune fille, a depuis ému bien des cœurs. « Monsieur André, monsieur André », disait-elle, en détachant Chénier d'un groupe où l'on causait de la prétendue conspiration des détenus de Saint-Lazare, qui devait en envoyer un si grand nombre à l'échafaud. « Le jour baisse, et vous ne m'avez pas encore donné ma leçon de prosodie. » « Pardon, mademoiselle, » répondit Chénier, « nous vivons dans un temps où l'on oublie les choses les plus importantes pour les bagatelles de la rue. » Il passa d'une façon familière et gracieuse son bras sur le bras de la jeune fille, et ils s'éloignèrent à pas pressés, cherchant quelques bancs isolés où il leur fut permis de causer librement. « En voilà une, » dit le vieux marquis de R, très méchante langue, « en voilà une qui aura bientôt, je l'espère, une excuse pour ne pas monter sur l'échafaud. Vous vous trompez. » lui répondit Rouchet, l'auteur des mois. Mademoiselle de Coigny est l'innocence même, et son ami Chénier est incapable de l'oublier. Il aura tort, répondit impertinemment le marquis. Si j'étais à sa place, je ne me ferais pas scrupule de conserver à la patrie une si belle personne, en me plaignant seulement que l'excuse ne remonte pas jusqu'à son auteur, ce qui prouve que les républicains ne sont pas bien logiques. Il pirouetta sur le talon. Fi, fi, quel cynisme! S'écrièrent les duchesses de Périgord et de Saint-Aignan qui assistaient à cet entretien. « Madame, reprit le marquis en s'adressant à la duchesse de Saint-Aignan, vous en parlez bien à votre aise. Vous avez votre excuse, vous. »« Mais j'ai un mari, moi, » répondit la duchesse en baissant les yeux. « Eh bien, que M. Chénier l'épouse, je ne demande pas mieux. »« Elle est promise au duc de Fleury, » repartit Madame de Périgord, « et M. Chénier aime ailleurs. »« Est-ce qu'on en est encore là ?» reprit le marquis. « Je croyais le monde plus avancé depuis 89. » Pendant que la conversation continuait sur ce ton léger, qui égayait souvent les prisons de cette époque, André et sa charmante élève comptaient sur leurs doigts des hémistiches et discutaient la valeur de certaines rimes. « Monsieur André, » dit tout à coup Mademoiselle de Coigny, « vous êtes évidemment préoccupé. Je ne vous trouve plus la même chaleur d'esprit pour les choses littéraires. J'aurais mieux fait de m'adresser à M. Rouchet. » « Peut-être aujourd'hui, » répondit Chénier. « Rouchet a plus de 200 francs que moi, quand il n'est pas question de sa fille. Il perd la tête sur ce sujet-là. »« Avez-vous appris des nouvelles qui vous contrarient ? Comptez-moi cela. Ne suis-je plus votre confidente ? Votre père et votre frère font-ils toujours des démarches pour vous ?»« Plût à Dieu qu'ils n'en fissent aucune. Passer devant le tribunal révolutionnaire, n'est-ce pas aller à la mort ? Je n'ai pas les illusions que vous avez. » Je n'ai pas, moi, les ailes de l'espérance. Que vous donnez aux autres? Je n'attends rien des hommes qui m'ont enfermé ici. Si ce n'est de gagner à prix d'or un de nos geôliers et de m'échapper de cet enfer au risque de la vie. Vous faites donc partie de la conspiration dont on parle tant. Il n'y a pas la moindre conspiration, mais chacun a bien le droit de s'évader, s'il le peut, comme l'oiseau qui est en cage et qui reprend sa liberté. Vous voulez nous quitter? S'écria Mademoiselle de Coigny avec une vive émotion et en lui saisissant la main. « Oh, tenez, vous seul m'arrêtez. Et voilà ce qui jette dans nos heureuses leçons le trouble dont vous vous êtes aperçu. » Et baissant la voix, il lui raconta que depuis quelques jours, ayant reçu de l'argent de sa famille, il avait séduit le porte-clés de leur corridor. Qu'au moyen d'une lime, il avait scié un barreau de sa fenêtre, après avoir remarqué une longue planche que des maçons avaient appuyée sur la terrasse d'un jardin voisin, où son frère Marie-Joseph et quelques amis sûrs l'attendaient et avaient tout préparé pour sa fuite, mais qu'il n'avait pu se décider encore à s'éloigner d'elle, malgré les sollicitations les plus pressantes. « Si je vous suivais, » s'écria mademoiselle de Coigny avec résolution, « je n'osais vous le proposer, quoique les temps extraordinaires veulent des actions qui le soient aussi. » Fille d'un général, nièce d'un maréchal de France, le courage ne me manquera pas. Planche pour planche, la vôtre est préférable à celle de l'échafaud. Et voyez comme la Providence est pour nous. Le jeune Maillet, qui a la même taille que moi, a fait déposer ce matin entre mes mains un costume d'homme tout neuf en montant dans la voiture qui le conduisait à la conciergerie. Il m'a prié de le faire remettre à son tailleur s'il ne revenait pas. Je puis en disposer, cela tire à moins l'attention que des vêtements de femme. « Vous êtes adorable, » dit Chénier. « Je vais avertir notre porte-clés. Cette nuit, nous fuirons ensemble, et vous trouverez chez mon père toutes les sécurités que votre honneur puisse désirer. »« Mon honneur, » répondit fièrement mademoiselle de Coigny, « c'est à moi de le garder. Les autres n'y peuvent rien. » Ils se séparèrent après avoir causé plus longtemps que d'habitude, et non sans quelques observations malignes du marquis de R., lequel rôdait autour d'eux en s'étonnant que la prosodie française eût tant d'attrait pour mademoiselle de Coigny, dont il avait vu un moment les yeux se remplir de larmes. Chénier, aussitôt qu'il le put, remonta dans sa chambre, s'assura de la constante bonne volonté du porte-clés, fit de sa fenêtre des signes convenus auxquels on répondit de la terrasse voisine, et se livra à quelques préparatifs nécessaires en attendant mademoiselle de Coigny. Le bruit des allants et venants dans le corridor s'endormit peu à peu. Tout le monde rentrait. On n'entendit plus que le pas du geôlier qui tirait les verrous sur les portes des prisonniers. Mademoiselle de Coigny entra en ce moment dans la chambre du poète, sous le costume d'un petit maître élégant, et le geôlier tira les verrous sur la porte de Chénier comme il l'avait fait sur celle des autres. Ce fut un moment solennel, indicible. Ils restèrent muets quelque temps. Tout ce que la poésie antique a pu imaginer sur la beauté des jeunes dieux était dépassé par celle qui s'offrait aux yeux de Chénier, plein d'une admiration prolongée. « Ne perdons pas de temps, » s'écria mademoiselle de Coigny. « Profitons de l'enthousiasme où je suis encore de votre merveilleux projet. J'ai besoin de cette animation pour me soutenir quelques minutes dans le vide à 25 ou 30 pieds de la rue. »« Venez donc, » dit Chénier, « et que Dieu nous seconde. » Il prit mademoiselle de Coigny dans ses bras et la posa sur le bord de la fenêtre, en se hissant après elle, et en lui recommandant de s'asseoir sur la planche légèrement inclinée et de se laisser glisser. Mais ils avaient compté sans la sentinelle qui veillait dans la rue entre la prison et la terrasse du voisinage. Un coup de feu partit, et mademoiselle de Coigny, effrayée, se rejeta vivement en arrière et sauta au cou d'André Chénier, qui d'une main la retint sur son cœur, tandis que de l'autre il se tenait fortement à deux barreaux qui n'avaient pas été descellés. Ce brusque mouvement dérangea la planche, laquelle, perdant son point d'appui, tomba avec fracas dans la rue sur le soldat, qui poussa un cri de détresse en se sentant mortellement atteint. Chénier, très vigoureusement constitué heureusement dans sa taille moyenne, parvint à faire entrer mademoiselle de Coigny à travers les deux barreaux et à redescendre avec elle dans sa cellule. Une fois descendu avec son précieux fardeau, il serrait toujours avec la même force contre son sein. Il s'aperçut que mademoiselle de Coigny s'était évanouie. Il la crut blessée par le coup de feu et la déposa sur sa couchette de prisonnier. Grand fut alors son embarras. Le vieux marquis de R en aurait bien ri s'il avait pu en être témoin. Mademoiselle de Coigny ouvrit enfin les yeux et regarda avec étonnement le poète penché sur elle à la lueur d'une lampe. Elle lui dit « Qu'avez-vous donc, monsieur André ?»« Je craignais que vous n'eussiez été atteinte par le coup de feu de la sentinelle, » lui dit-il. « Non. » « Je n'étais atteinte que par la peur, » répondit-elle en souriant. « Moi qui me vantais de mes aïeux militaires, c'est bien lâche de ma part. Ce n'est pas de moi que gentil Bernard dirait. J'ai vu Coigny, Pellone et la victoire. »« Que le ciel soit béni, » reprit Chénier, « et Dieu veuille que notre équipée n'ait pas de suite plus grave. Quant à fuir, cela ne nous est plus possible. » Et il lui apprit qu'en se jetant à son cou, elle avait poussé du pied la planche qui était tombée dans la rue. Si je pouvais au moins rentrer dans ma cellule, repartit mademoiselle de Coigny, car de passer la nuit en tête à tête avec vous dans cette chambre si bien verrouillée, cela n'est guère convenable. Et si on le savait? On ne le saura pas, dit Chénier, et je vais tâcher de me faire entendre du porte-clés, qui doit être à l'autre bout du corridor. Au même instant, les verrous furent tirés, et le porte-clés apparut lui-même. Il avait entendu le bruit de la planche tombante. Il venait savoir ce qui s'était passé, et sur les instances de Chénier, il fit rentrer mademoiselle de Coigny dans sa cellule avant la visite de l'inspecteur, qui, effrayé par le bruit, comme tous les gardiens de la prison, avait commencé sa revue par les étages inférieurs. Le porte-clés expliqua à l'inspecteur que l'orage, il faisait grand vent, en effet, avait fait rouler une planche, posée auprès de la fenêtre du citoyen Chénier, mais que le citoyen Chénier était dans sa cellule, qu'il venait d'en faire la constatation. « Tant mieux, » répondit l'inspecteur, « car M. Chénier est demain de Fournée, et son absence eut contrarié Collot d'Herbois. » Chénier entendit cette conversation et frémit. Il était perdu. Il passa le reste de la nuit à écrire ses admirables iambes. Mourir, sans vider mon carquois. Le lendemain, Chénier évita mademoiselle de Coigny pour ne pas s'attendrir, et partit pour la conciergerie avec une vingtaine de ses compagnons. Il ne revint pas plus que le jeune Maillet n'était revenu. La duchesse de Saint-Aignan revint seule, après constatation de son état. Mademoiselle de Coigny, qui avait erré toute la journée comme une folle dans la prison, apprit enfin la terrible vérité. « Ah !» racontait madame de Saint-Aignan. Il a porté la main à son front en disant « J'avais quelque chose là ?» « On dit en effet, repartit la duchesse de Périgord, que ce poète avait du génie, et plus de génie que son frère Marie-Joseph. Mais mademoiselle de Coigny se trouve mal ?»« Hélas !» s'écria l'aimable héroïne en mettant la main sur son cœur. « Moi, j'avais quelque chose là ?» Je disais bien qu'elle l'aimait, dit le vieux marquis de R. Si Chénier n'a pas profité de sa bienveillance, il a manqué une belle occasion de sauver une femme de l'échafaud. Mademoiselle de Coigny, qui l'avait entendue sans le comprendre, s'écria en pensant à l'ode composée pour elle. Et maintenant, je ne veux plus vivre, je veux mourir. La pauvre enfant, dit le marquis avec une profonde compassion. Mademoiselle de Coigny ne mourut pas alors. Sortie de prison après le 9 Thermidor, elle devint duchesse de Fleury. Elle ne tarda pas à divorcer et épousa plus tard M. de Montrond. Elle n'est morte qu'en 1820, après avoir publié un roman, Alvar, tiré seulement à 25 exemplaires et publié chez Firmin Didot. Ainsi s'achève La dernière nuit de André Chénier par Hippolyte Lecas.